I don't have time for all this shit. And never you call this number again. Oh, papi. Hello. Big Joe. Hello, pa. Hello. Daphne. The thing why like I'm not here to go so. C'est l'homme de mes rêves. I no feel left you go so. Même si je t'énerve. Je veux juste que tu sois mon bébé. Pour toute la vie. My heart is breaking, you know so. Tu es l'homme de mes rêves. I know c'est married, no be pressure. Papi has a way. No be send me, I want to force you. Papi has a way. Pardon pour mes compagnons. Je voulais pas te faire du mal. Maintenant tu es parti, tu m'as blessé. J'ai pleuré, j'ai pleuré. Je voulais seulement que tu m'aimes. I need the lover tomorrow. Need the lover today. Will you be my lover for borrow? Supposed to be my man, my man. Baby, t'es ma main. Ma main. Ne me laissez plus jamais, jamais. Baby, t'es ma main. Ma main. Ne me laissez plus jamais, jamais. I don't say married, no be pressure. Happy as a way. No be send me, I want to force you. Happy as a way. Pardon pour mes compagnons. Je voulais pas te faire de mal. Maintenant tu es parti, tu m'as blessé. Take another shot.